Bienvenue à Futur Simple, c'est François Riouard qui vous parle. En 2015, un balayage automatisé du ciel pour trouver des supernovas a conduit à l'observation de ce que l'on croyait être la supernova la plus brillante jamais observée. On croyait avoir trouvé une supernova superlumineuse, mais des observations ultérieures laissent croire qu'il s'agirait plutôt de la dislocation d'une étoile de faible masse par un trou noir supermassif en rotation rapide. Alors, pour nous en parler, on a au téléphone Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, pour bien comprendre cet événement qui a été observé l'an passé, j'aimerais tout d'abord qu'on parle des trous noirs et on reviendra par la suite sur l'événement comme tel. Alors Jean-René, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord ce qu'est un trou noir, quelle est leur origine et qu'est-ce qu'on sait en fait de leur formation? L'idée du trou noir, en fait, est assez ancienne. Elle remonte à la fin du 18e siècle et un peu au début du 20e siècle, lorsque des physiciens comme l'anglais John Mitchell et le français Pierre-Simon de Laplace, bien connus à d'autres niveaux, ont imaginé qu'il était possible d'imaginer peut-être des corps de masse et de rayons petits, de masse très élevée, tels que la vitesse d'échappement, la vitesse qu'il faudrait pour s'en échapper, dépasserait la vitesse de la lumière. Donc, rien n'en sortirait, ni même la lumière. Mais c'était plutôt farfelu à l'époque, et c'est en fait, on n'y croyait pas comme tel. Et le concept est revenu à nouveau avec la proposition de Einstein en 1915-1907, il y a 100 ans, avec la relativité générale, et où Einstein a proposé une nouvelle théorie de la gravitation où les masses courbent l'espace. Donc, Einstein voyait ça à grande échelle. Il n'avait pas du tout imaginé qu'il pouvait avoir des objets qu'on appelle maintenant trous noirs. Et c'est en 1916 même qu'un de ses jeunes collègues physiciens allemands, Karl Schwarzschild, qui était en fait, lisait les articles d'Einstein en étant dans les tranchées allemande comme soldat de la Première Guerre. D'ailleurs, il est mort quelques mois après de la fièvre jaune. Et ce qu'a exploré Karl Schwarzschild, qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'avoir des masses réparties à grande échelle, comme les galaxies, les étoiles, si je mettais beaucoup de masse dans le cadre de la relativité générale? Et il a trouvé, en fait, qu'il y aurait des phénomènes bizarres, entre autres, que l'espace couvrait tellement et correspondrait à quelque chose comme une zone où rien ne peut plus échapper. Mais c'était 1916, la théorie venait de sortir. Donc, le trou noir, au début, était un objet, vraiment un objet mathématique. Personne pensait que ces objets allaient vraiment exister dans l'univers. Mais finalement, on sait qu'ils existent, ces trous noirs. Ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu, en fait, personne n'a cherché de trou noir là, quand Einstein et tout, et c'est un peu par accident, en fait. Les astronomes n'y croyaient pas tellement. Et ce n'est qu'au début des années 70 que des astronomes ont réalisé qu'autour de certaines étoiles se passaient des phénomènes extrêmement énergétiques. En particulier, qu'on n'arrivait pas à expliquer avec l'évolution ou la physique des étoiles normales. Et la meilleure explication était que il y avait quelque chose autour de ces étoiles. Il y avait, d'abord, c'était un système double, puis il y avait une étoile qui était encore lumineuse et tout, mais qui tournait probablement autour d'un compagnon qu'on ne voyait pas. Ah bon? Et ça, on a réalisé. Et un compagnon massif, parce que l'étoile déjà massive tournait autour. Et ces étoiles étaient associées à des sursauts de rayons X. Donc, en introduction, on a parlé de rayons X. Là, ce sont des rayons X, c'est de la lumière avec très grande énergie. Et l'interprétation a été que c'était possiblement de la matière de l'étoile, toujours entre guillemets vivante, qui était éjectée et qui allait tomber vers le trou noir dans une espèce de disque, comme les anneaux de Saturne, entre guillemets, autour de l'objet central qui est le trou noir. Et parce que la masse du trou noir est très élevé, sa gravité est très forte, le rayonnement qui tombe, en fait, la matière qui tombe va chauffer, va libérer beaucoup d'énergie. Donc, c'était dans les années 1970 seulement qu'on a eu ces premières évidences. Et ces évidences se sont accumulées de façon différente. Oui, parce que là, vous venez de nous parler d'une façon dont, finalement, on a découvert, si on peut dire, avec une étoile double. Mais si on n'a pas d'étoile double, en fait, est-ce qu'il y a d'autres façons de les détecter ou encore? Oui, mais ça reste pour les étoiles. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a identifié qu'il y avait au moins une catégorie de trous noirs qui était de la masse d'une étoile et qu'on pense que c'est le résidu d'une étoile massive de peut-être 100 fois la masse du Soleil qui a explosé, s'est débarrassé de ses couches, etc. Mais l'intérieur de l'étoile s'est effondré sur lui-même avec une masse et une vitesse telle qu'il a produit un trou noir qui n'aura que peut-être 30 kilomètres de diamètre. Mm-hmm. Donc, on appelle ça les trous noirs stellaires. Mais ce qu'on a trouvé au fil des ans, c'est que les centres de certaines galaxies étaient sujets aussi à des phénomènes très énergétiques, comme de sursauts de rayons X, de sursauts de rayons gamma. Et même que le centre de notre propre Voie lactée était aussi un site de certains sursauts de rayons X de temps à autre. Mm-hmm. Mais le centre de notre Voie lactée est extraordinaire parce que même s'il est loin, à 27 000 années-lumière, on a pu, au fil des 15 ou 20 dernières années, cartographier la position des étoiles autour du centre de la Voie lactée en faisant des observations dans l'infrarouge et avec des techniques d'optique adaptative, on peut suivre les étoiles, on peut suivre leur vitesse et voyant leur vitesse et mesurant la distance autour du centre où on ne voit rien, il n'y a absolument rien, on a pu déduire qu'il y avait un objet là qui avait non pas quelques dizaines de fois la masse du Soleil, mais 4 millions de fois la masse du Soleil. Mm-hmm. Donc, on est arrivé, on s'est dit, au centre des galaxies, il y a des trous noirs massifs, même supermassifs, et maintenant, on a beaucoup d'évidence indirecte que plusieurs centres de galaxies, comme la nôtre, abritent des trous noirs extrêmement massifs. Ceux-là, là, on peut avoir à peu près une année-lumière de diamètre. Donc, ce sont entre guillemets, des monstres cosmiques. Et on les appelle les trous noirs galactiques, c'est ça? Oui, ce sont les trous noirs galactiques. Il y a encore une catégorie qui serait à l'origine du phénomène des objets les plus brillants dans l'univers, qui sont en fait des centres ou noyaux actifs de galaxies, qu'on appelle les quasars. Ce qu'on dérive comme masse des trous noirs au centre de ces galaxies, qui abritent ce qu'on appelle des phénomènes lumineux qu'on nomme quasars, l'énergie est tellement grande qu'il faut faire appel à ce moment-là à des masses de trous noirs 1000 fois plus grandes que celles au centre de notre Voie lactée. Donc, on parle de méga-trous noirs, de méga-trous noirs galactiques qui ont des milliards de masse de fois la masse du Soleil. Et est-ce qu'on peut encore, comment je pourrais dire, les détecter à cause de leur influence sur ce qui tourne autour de nous? Non, parce que c'est trop loin. Meilleur objet pour observer et caractériser un trou noir au centre d'une galaxie, c'est chez nous, dans notre propre Voie lactée, et les observations sont absolument phénoménales. En fait, il y a des étoiles, entre autres une qu'on observe très bien. Il y a une douzaine d'étoiles qu'on suit là. On a quelque chose d'absolument extraordinaire pour dériver les caractéristiques du trou noir central au centre de notre Voie lactée. L'étoile a fait... Nous, ça nous prend, à la distance du centre, ça nous prend 250 millions d'années pour faire le tour du centre de la Voie lactée. Mm-hmm. Mais cette étoile qu'on appelle S2, elle prend 12 ans à faire le tour du centre. Parce que au lieu d'être à une vitesse comme nous d'environ 30 kilomètres à la seconde, là, qui fait à peu près 1 million de kilomètres à l'heure, cette étoile qui tourne autour du centre massif de trous noirs de la Voie lactée, le même centre auquel nous on tourne, elle tourne à une vitesse de 5000 kilomètres à la seconde. C'est une fraction, c'est presque 2% de la fraction de la vitesse de la lumière. Mais elle passe relativement proche, mais dans ce cas-ci, il n'y a aucune raison qu'elle va tomber dans le trou noir. Et est-ce qu'il existe aussi des trous noirs, je sais pas qu'on pourrait appeler primordiaux, en fait, qui origineraient du Big Bang? Ça, c'est complètement hypothétique. Ah bon, OK. Et ça fait un certain temps qu'on en fait l'hypothèse, et en particulier... La question est appropriée pour expliquer pourquoi certaines galaxies ont des trous noirs de milliards de fois la masse du Soleil. Mm-hmm. OK? Et qu'on observe ces trous noirs-là, très peu de temps, dans des objets qu'on peut observer à très grande distance, donc lorsque l'univers est très jeune, lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Et il n'y a aucun moyen, aucune physique qu'on comprend bien, qui nous permet à la matière de s'agglutiner pour produire de tels trous noirs dans l'évolution normale de la galaxie. Donc, certains ont émis un peu l'hypothèse, et on ne sait pas trop comment ça se ferait, que le Big Bang a donné lieu à la formation de certains trous noirs primordiaux et qui auraient été probablement les espèces de semences qui auraient aggloméré la matière. Et c'est comme ça que beaucoup des galaxies, au moins les plus massives, se seraient formées assez rapidement dans le premier milliard d'années de l'évolution de l'univers. Mais on n'a pas d'évidence directe à l'heure actuelle de trous noirs qui seraient, disons, primordiaux. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, ce sont des trous noirs qui se sont formés après le Big Bang. Mais je vous rappelle cette intrigue et qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est la présence de trous noirs extrêmement massifs très tôt après le Big Bang. Mm-hmm. Et Jean-René, je ne me souviens pas qu'on l'ait dit, mais dans le fond, un trou noir, sa principale propriété, c'est sa densité. En fait, c'est deux choses. C'est sa masse, mais aussi, il faut que son rayon soit très petit pour que la gravité en surface soit très grande. Donc, rappelez-vous, c'est votre physique secondaire que la force de gravité de Newton est proportionnellement au carré des masses qui s'attirent. Et divisé par le rayon au carré. Donc, plus le rayon est petit, plus vous avez la possibilité de faire un trou noir. Sauf que c'est pas évident de ramener la Terre, par exemple. Quelle dimension devrait avoir la Terre pour qu'elle soit un trou noir? C'est-à-dire que tout objet ou tout phénomène ne pourrait pas en sortir. On n'atteindrait pas la vitesse de la lumière. Même si on l'atteignait, on ne sortira pas. Il faudrait réduire la Terre avec sa masse actuelle à un diamètre de 1 mm. 1 mm, OK. Donc le Soleil à quelques kilomètres. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est deux choses. La propriété d'un trou noir est déterminée par sa masse et son rayon. Et le Soleil aussi, à la limite, si on le concentrait, mettons, dans une sphère... Un kilomètre, à peu près. Un kilomètre, ça ferait un trou noir. Oui, c'est ça. Il y aurait des propriétés d'un trou noir. C'est impossible de faire ça, là. Ça prend des forces qui ne peuvent exister que pour des masses qui soient de l'ordre d'à peu près 30 à 50 fois la masse du Soleil. Ah bon, OK. Ouais. Et si notre Soleil devenait un trou noir, est-ce que ça changerait les mouvements des orbites des planètes? C'est une question intéressante. Si vous étiez magicien et que vous disiez, bon, cette nuit à Noël, 24 au soir, je transforme le Soleil en un trou noir, rien ne changerait. Absolument rien ne changerait pour la cinématique des planètes. Ce serait la même masse, on serait à la même distance. Comme tel. La seule chose, c'est que le Soleil n'émettrait plus aucune lumière, aucun photon, donc on aurait d'autres problèmes. Mais au point de vue cinématique, tout serait pareil. En quelque sorte, même à la distance de la Terre, on pourrait dire que les lois de Newton fonctionnent encore très bien. Sauf que si vous vous approchez du Soleil, là, la cinématique des objets en révolution autour du Soleil devenu trou noir, là, vous devriez faire appel à la relativité générale, parce qu'il y aurait des phénomènes bizarres à des distances de l'ordre du million de kilomètres. Alors que nous, à 150 millions de kilomètres, on continuerait notre randonnée en charrette newtonienne sans aucun problème. Mais dans la pure obscurité, dans la pleine obscurité. Ah là là, oui, absolument. Et en fait, on dit qu'il y a trois paramètres qui définissent les trous noirs. Vous en avez parlé d'un, la masse. Oui. Mais il y a aussi la charge électrique et aussi le moment cinétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage? En fait, ça, ce sont des considérations qui vont faire en sorte que le trou noir va avoir des propriétés différentes lorsqu'on observe, et surtout quand il se combine avec un autre trou noir. On pourrait y revenir là pour rappeler la découverte d'ondes gravitationnelles. Donc, en fait, un trou noir, on dit que c'est un objet extrêmement simple comme tel, parce qu'on peut le décrire justement avec seulement quelques propriétés physiques, alors que un objet comme la Terre ou une étoile, il y a pas seulement le diamètre, le rayon, la masse, il y a aussi la température, il y a la composition chimique qui est un facteur très, très déterminant. Il y a des gradients de différents paramètres physiques en plus. Un trou noir, c'est un objet ultra simple, même si mathématiquement, pour le décrire, il faut faire appel à les équations de la relativité générale. Donc, en gros, la masse, son rayon, la masse, en fait, définit son rayon. Donc, on n'a même pas besoin de parler du rayon. La masse définit automatiquement le rayon d'un trou noir. Mais ensuite, si vous avez formé un trou noir à partir d'une étoile qui tournait, on suspecte que le trou noir va tourner encore plus vite. Et il va avoir conservé son moment angulaire comme le patineur ou la patineuse sur glace qui replie ses bras se met à tourner beaucoup plus vite. Donc, c'est ça. Et donc, ça, mais quand même, ça va être quelque chose qui va avoir une propriété physique qui est un petit peu différente de la patineuse ou du patineur qui tourne. L'autre chose qui est importante, c'est que le trou noir va probablement être le produit d'une étoile qui avait aussi un champ magnétique. Comme la Terre a un champ magnétique qui oriente la boussole et dont les oiseaux se servent pour faire leur migration. Donc, ça aussi, quand vous faites l'effondrement d'un objet, le champ magnétique va se concentrer à très haute intensité, peu comme le patineur va tourner plus vite, donc on dit son moment angulaire va augmenter. Dans ce cas-ci, le champ magnétique va augmenter. Et il est possible qu'il y ait des effets électriques associés à ça et qui sont moins bien connus. Mais en gros, on peut comme ça associer certaines propriétés et on essaie d'observer des phénomènes associés au trou noir pour confirmer ce qu'on observe est vraiment un trou noir. Parce que on n'a fait aucune image jusqu'ici d'un trou noir. Il serait possible de faire des images. Il y a des gens qui essaient qui mettent en train un programme d'observation à très, très haute résolution en combinant de plusieurs grands radiotélescopes sur Terre pour faire une image du trou noir au centre de notre Voie lactée. Et c'est un projet extrêmement ambitieux. Il est possible que d'ici 2 ans, on trouve quelque chose ou qu'on échoue. Mais il y a une possibilité de voir. Ce que vous allez voir, en fait, si vous imaginez un trou noir, vous allez voir justement une petite région du ciel qui est littéralement noire du point de vue. Il n'y a aucune lumière qui passe. Il y a comme c'est pas un trou, ça a l'air comme d'une boule, une région comme telle, qui dévie tous les rayons. Et autour, vous allez avoir des espèces d'arcs lumineux. Parce que le trou noir va agir comme une espèce de mauvaise lentille qui va faire dévier la lumière des étoiles qu'il cache, qui sont au-delà du trou noir, qu'il cache, et qui vont former certains petits anneaux lumineux. Donc, on essaie de le faire dans une longueur d'onde où on a les moyens d'observation. Donc, on s'attend à observer ce genre de phénomène. Et Jean-René, si on revient au phénomène superlumineux dont je parlais au début, est-ce que vous pouvez refaire le fil des événements et nous expliquer comment, en fait, l'interprétation de cet événement est passée d'un événement associé à la plus brillante des supernovas découvertes à ce jour à l'aspiration d'une étoile par un trou noir en rotation, parce qu'il y a quand même une énorme différence. Qu'est-ce qui s'est passé, Oui, c'est une énorme différence, mais toutes les fois que vous prenez quelque chose qui est l'équivalent de la masse d'une étoile, et si vous faites quelque chose avec des réactions nucléaires ou avec la gravitation, vous allez produire beaucoup de lumière. Donc, à un moment donné, l'énergie qui est relâchée par ce genre d'action physique va être un peu associée à la quantité de masse de l'objet. Donc, si vous faites affaire avec des étoiles, ça va produire beaucoup de lumière. Donc, ce qui s'est passé ici, les étoiles dites supernovas sont assez bien connues. On en observe assez régulièrement, même si ça fait appel à des étoiles très massives, qui sont plutôt rares, mais vu qu'on observe maintenant plusieurs galaxies, on voit des supernovas assez aisément, pratiquement toutes les nuits, là, si vous observez de grands champs à distance très grande. Donc, ce qui est arrivé ici, c'est qu'on a vu un objet qui s'est comporté comme une supernova au début, sauf qu'il a été 2 fois plus lumineux que les supernovas les plus lumineuses qu'on connaisse. Donc, au début, ça va bien. Le pétard s'est allumé, puis il a sauté, puis ça a fait un gros flash. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est qu'en continuant, 2 mois plus tard, ou 3 mois, je ne me souviens pas, un autre flash lumineux. OK? Et un autre flash lumineux. Toujours à la même place, ce genre-là? Oui, toujours à la même place. Toujours associé au... ça se passe dans le... dans le centre d'une voie d'une galaxie, okay. À peu près à quelques centaines de millions d'années-lumière. Là, c'est pas... Donc, une succession de flashs lumineux. Donc, là, il ne peut pas avoir la même étoile qui fait des supernovas en série. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Donc, on s'est dit, l'autre chose, c'est qu'on ne voit jamais vraiment une supernova arriver au centre d'une galaxie parce que les galaxies ont généralement des populations d'étoiles de faible masse. Et ces étoiles-là ne font pas des supernovas. On voit souvent les supernovées, la plupart du temps, on les voit à une certaine distance, des milliers d'années-lumière du centre de la Voie lactée. Donc, déjà, la position était bizarre. Cette affaire-là, la supernova, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas d'affaire là. Okay. Mais les sursauts successifs ont mis la puce à l'oreille et on s'est dit, finalement, que la meilleure possibilité, avec les modèles, on a finalement, comme vous l'avez suggéré au début, je pense en faisant allusion aux publications, il semblerait que le meilleur modèle pour expliquer cette série d'explosions lumineuses équivalentes à des supernovas serait une étoile qu'on dit de faible masse. Donc, faible masse, c'est de la masse du Soleil. Okay. Donc, qui, par une raison ou pour une autre, parce que c'est difficile de tomber sur un trou noir, en fait, parce que c'est comme si vous arrivez dans une courbe à haute vitesse, vous allez avoir tendance à aller plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur de la courbe. Donc, c'est la même chose pour une étoile. Une étoile, c'est difficile à tomber. Il faut qu'il y ait des choses bizarres. Il faut que l'étoile ait rencontré une autre étoile qui change sa trajectoire puis là, l'envoie sur le trou noir. Et là, probablement, l'étoile est arrivée proche. Et vu que les forces de gravitation sont tellement intenses, l'étoile, en quelque sorte, c'est comme déchiquetée, entre guillemets. Donc, était divisée en morceaux. Un peu comme on a vu il y a quelques années la comète qui est rentrée dans Jupiter s'était cassée en morceaux avant de tomber dessus, ou comme les débris qui forment les anneaux de Saturne, ce sont des machins qui tombent trop proche de Saturne et s'effritent. Et est-ce donc, que c'est la force il y a une étoile comme ça qui est arrivée et qui est en train finalement de rentrer dans le trou noir. Est-ce que c'est la force des marées qui crée cette tension? Oui, exactement. Ouais. La force de marée, mais la force de marée qui, elle, par exemple, pour nous, la Terre, la force de marée, elle est là, mais elle est trop faible pour déchiqueter la Terre. Oui, c'est ça. Donc, on fait juste soulever la croûte terrestre de 20 cm et les eaux en moyenne des océans de 1 mètre. Mais si vous approchiez la Lune et la Terre l'une de l'autre, à un moment donné, je me souviens pas de la distance, il y aurait, ou la force de gravité, ou la différence de la force de gravité d'un côté de la Lune et de l'autre serait telle que vous pourriez fracturer, déchiqueter la Lune. Donc, c'est une force exactement de marée qui défait l'étoile et l'étoile en tombant, en s'approchant du trou noir à très grande vitesse, on parle de vitesses qui sont des fractions importantes par rapport à la vitesse de la lumière. Okay. Donc, c'est à très grande vitesse, donc ça produit du chauffage lumineux. Et vu que c'est en fragments, on a probablement ces espèces de pulsions. Là, on en a, je pense qu'il y en a mesuré 3 depuis le début de cet événement. Okay. Et est-ce que dans l'avenir, on va pouvoir, est-ce qu'il y a des expériences qui vont nous permettre de conclure que c'est vraiment ce que vous venez de raconter? En fait, c'est à peu près le 10e événement qu'on voit. Celui-là est peut-être le mieux observé, surtout qu'il est répétitif. Donc, il y a et on voit autour au centre de notre Voie lactée, on voit de temps à autre des flashs lumineux. Mais ils sont faibles. C'est probablement des petits corps, l'équivalent d'astéroïdes, par exemple, qui tombent vers le trou noir central, qui font des flashs d'une façon régulière. Des étoiles qui tombent, moi, disons que je suis la littérature, là, je suis pas impliqué dans cette recherche, de temps en temps, on en voit, mais cette fois-ci, étant donné d'abord la luminosité très grande du phénomène et son caractère répétitif, là, c'est vraiment un des meilleurs exemples. Et je pense que ça met la puce à l'oreille et les gens vont suivre ce genre d'événement encore plus. Mais l'événement de l'année qui a peut-être nous a donné la meilleure évidence que les trous noirs existent, c'est la détection des ondes gravitationnelles des deux trou noir parce qu'on a fait une modélisation. Oui. Il n'y a pas d'autre chose qui peut produire cette vibration de l'espace qu'on a observée en septembre 2015 et dont les résultats ont paru en février de cette année. Et en passant, les observatoires gravitationnels, là, on a fait beaucoup d'améliorations, beaucoup de mises au point et ils recommençaient à observer, là. Donc, il faut suivre ce qui va se passer dans l'année qui vient. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres observations. Peut-être pas nécessairement de trous noirs qui se fusionnent parce que la sensibilité des deux systèmes, un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington, oui, a été augmentée. Ah bon? Et on pourrait observer la fusion d'objets plus petits, okay, comme des étoiles à neutrons. Ben, merci beaucoup, Jean-René Roy. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Alors, on vous remercie pour ces explications qui nous aident à comprendre notre univers complexe. Et on vous souhaite aussi de très joyeuses fêtes. Et on va certainement se reparler en janvier. Joyeuses fêtes à tout le monde. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Alors, on va faire une courte pause musicale pour se détendre et on vous revient avec Dominique Boudreau.